vous, mon lieutenant, en particulier? Mais très bien, Claudine. Oui, sauf que nous avons latéralement la pépite. Vous serait-il facultatif de nous verser un léger verre de schnick? Désolé, mes amis, mais plus rien dans le bidon. Oh, c'est bien notre veine. Et les camarades qui ne reviennent pas de leur visite domiciliaire? Justement, les voilà. Nous allons savoir s'ils ont découvert quelque chose. Tiens, qu'est-ce qu'ils amènent donc, là? Une fillette? Une petite nonne, mais pristique, elle est gentille.